France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 58. Bienvenue à toi dans ce monde archi loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 24 décembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Belzébuth, tu es cornes et pieds fourchus, tu es salsa du démon, tu es le prince des ténèbres, tu es l'ange déchu, et tu es aussi... Mais qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Je suis le diable. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es le diable aux portes de l'enfer. Si on en croit Charles Baudelaire, il n'y a pas plus catholique que le diable. Alors, à la veille de Noël, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de traquer la bête, celui que l'Apocalypse de Saint Jean surnomme l'Antéchrist, autrement dit, Satan lui-même. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du diable et de l'enfer. Pour commencer, du serpent de la Genèse au rite satanique, il faut évoquer la place qu'occupe le diable dans l'imaginaire des hommes. Ensuite, nous chercherons à démasquer quelles sont aujourd'hui les manifestations de Lucifer. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise de Benoît Poulvorde qui viendra nous dire justement combien le monde du showbiz est à la solde du diable. Et puis, dans la foulée, nous te proposerons une petite visite de l'enfer puisque ses portes se sont grandes ouvertes cette semaine à l'occasion de l'arrivée du général Pinochet. Et enfin, te raconter comment Monique a dû affronter les œuvres du malin depuis quelques jours entre sa fille Elsa, devenue soudainement gothique, et son Jean-Claude qui, lui, semble être possédé par le démon de la tentation. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et offre ton âme au démon de la danse. She told me her name was Billie Jean, and she calls too soon. Then he Billie Jean chante en 1982 l'ange déchu Michael Jackson sur son album mythique intitulé Thriller. Parce que, c'est clair, le diable, c'est bien souvent le personnage principal des thrillers, ces films qui font peur. Mais moins peur que Michael aujourd'hui quand même. Alors, cette semaine, la panique au Mansion Palace a donc décidé de s'intéresser au diable et aux démons, parce que ce soir, bon nombre d'entre nous allons céder aux péchés capitaux de la gourmandise et de la jalousie des cadeaux des autres au pied du sapin. Mais alors, qui est donc Satan ? Eh bien, c'est un ange qui fut déchu après avoir fomenté une rébellion contre Dieu. Le diable apparaît très tôt dans l'Ancien Testament sous la forme du serpent qui s'adresse à Ève dans ce merveilleux jardin d'Éden. Allons, fillette, ne va pas dire que tu connais tout du plaisir. Viens goûter l'amour démoniaque et la quenote aphrodisiaque. Viens t'enflammer chez Lucifer jusqu'au septième ciel de l'enfer. Et voilà, la godiche croque le fruit défendu et c'est la première victoire du diable. Adam et Ève sont chassés du paradis, c'est malin ça. Et pourtant, l'Ancien Testament ne s'attarde pas sur Satan. Le diable, chef des forces du mal, est beaucoup plus présent dans le Nouveau Testament où il apparaît sous des noms très divers. La bête, Belzébuth ou encore le démon. Ainsi, Jésus-Christ lui-même, Happy Birthday Jesus, a été plusieurs fois tenté par le diable, surtout pendant les 40 jours qu'il a passés dans le désert. Et en revenant, Jésus, il l'a bien dit aux apôtres. Et pourtant, moi je l'ai vu, avec sa petite barbiche, avec ses pieds fourchus. Je l'ai vu comme je vous vois, je l'ai vu, avec ses yeux tout rouges et son front biscornu. Et quand je dis que je l'ai vu, qui mange des crapauds et des enfants tout crus. Tous ceux qui ne l'ont pas vu ne m'ont pas cru. Eh bien tant pis, c'est entendu, n'en parlons plus. Non, on ne m'a pas cru, bien. Je ne dirai plus rien, je garderai pour moi mon histoire. Si vous insistez, bon, moi je vous réponds. Et je me ferai peur à moi tout seul le soir. Le diable des premiers temps entretient une image ambiguë entre le dieu païen, cuisiné au syncrétisme chrétien, et le démon du quotidien. Le diable est présent dans l'imaginaire des chrétiens d'Occident dès les premiers siècles, mais il n'entre véritablement dans les craintes populaires qu'à partir de l'an 1000. Et encore, dans les légendes et les traditions populaires, le diable est alors un personnage souvent ridicule qui perd tous ses combats face aux anges et aux archanges. Mais à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, l'image du malin change. Satan devient alors un personnage réellement terrifiant. Et il faut dire que l'Église catholique a tout intérêt à amplifier la peur qu'exerce le diable sur le peuple. En effet, plus Satan est terrifiant, plus Dieu est puissant. Aujourd'hui comme hier, foutre la fousse à tout le monde, il n'y a rien de tel pour contrôler la population. À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. La troisième trompette tombera une étoile incandescente sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Ne dissipez pas les sept derniers jours. Le Seigneur nous protégera. La bête immonde attend son heure. Repentez-vous, frères pécheurs. La peur du diable culmine donc dans l'Occident chrétien à la fin du Moyen-Âge. Le diable est plus que jamais le prince des enfers et le maître de la nuit. Il est le tentateur, responsable des guerres et des famines, en gros de tous les maux. Et comme il est difficile de s'attaquer directement au diable, l'Inquisition décide alors de frapper celles et ceux qui le servent, principalement des femmes accusées de sorcellerie. Car, c'est bien connu, les bûchers et les pendaisons de sorcières, ce sont les meilleures armes contre le diable. Des armes contre moi ? Mais j'ai les miennes, la luxure, l'œuvre de fer, la femme, quoi. Tu ne commettras pas d'impureté qu'il a dit le grand truc, le grand tout ? Il aurait mieux fait de se taire. La femme, c'est ma plus dévouée collaboratrice. Il lui suffit d'une babiole pour la faire trébucher. Voyez ces diamants ? C'est moi qui les ai inventés. L'eau pure du diamant est faite de toutes les flammes de l'enfer. Regardez celle-ci, tu ne convoiteras pas. Facile à dire quand on est une belle petite carce avec des idées plein la cervelle. La chasse aux sorcières a fait plus de 60 000 morts entre le 15e et le 17e siècle. Mais la phobie du démon, qui caractérise la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes, s'estompe avec la propagation de la philosophie des Lumières. Seules aujourd'hui, certaines sociétés, encore baignées de religion, conservent une vision manichéenne du monde. En gros, tout ce qui s'oppose à nous ne peut venir que du diable. C'est l'empire du mal, du président Reagan quand il parlait de l'URSS, ou bien encore plus proche de nous, l'axe du mal dénoncé par W. Bush. Avec ces gens-là, au moins c'est clair, le diable est responsable de tous les maux. Personne ne peut m'échapper, vous pas plus que les autres. Vous ne connaissez pas mon pouvoir, à moi qui peux tenir le monde dans ses deux mains. Mais oui, les orages, la pluie, la grêle, le vent, les naufrages, c'est moi. Les maladies, la guerre avec ses beaux plaisirs, la peste, la famine, la misère, le meurtre, la haine, la jalousie, c'est moi, toujours moi. Et la mort, c'est encore moi. Eh oui, c'est pratique et facile d'annoncer que son ennemi, c'est le diable. Ça simplifie tout. Parce que, c'est bien connu, le mal, l'enfer, c'est jamais nous. L'enfer, c'est... Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Aujourd'hui pourtant, le diable semble faire un petit comeback. Mais croire au diable, c'est croire en Dieu. Alors le mieux quand on rencontre Belzébuth, c'est de ne pas crier horreur, malheur, mais d'aller danser avec lui la salsa. Thank you. La salsa du démon, une énergie diabolique déployée par l'orchestre du Splendide en 1978, l'année même où le souverain pontife fut retrouvé mort dans ses appartements 33 jours seulement après son élection. 3 plus 3 faisant 6, certains gothiques y voient encore aujourd'hui l'œuvre du malin, va savoir. Alors justement, après avoir évoqué la place qu'occupe le diable dans l'imaginaire des hommes, poursuivons maintenant notre descente dans les ténèbres en nous intéressant quelques minutes aux éventuelles manifestations sataniques aujourd'hui. Oui, mon ami, le diable est-il encore parmi nous ? La plus belle ruse du diable n'est-elle pas de nous persuader qu'il n'existe pas ? Eh bien, depuis le déclin occidental de la chrétienté, c'est là l'hypothèse favorite des théologiens de l'Église catholique. Pour eux, Satan aurait donc décidé de se faire discret dans l'espoir que nous, les hommes, ne redoutions plus de transgresser les lois morales imposées par le divin créateur. Car si le diable n'existe pas, alors à quoi bon tenter de sauver son âme, franchement ? Et par là même, Dieu le Père existe-t-il alors vraiment ? Oh là là, grosse panique dans les paroisses, les églises se vident et les évêques se font rares. Belzébuth aurait ainsi réalisé un coup magistral. Seulement voilà, la discrétion du diable ne signifierait pas pour autant qu'il ait disparu, le fourbe. Au contraire, selon l'église, il rôde et prépare son avènement apocalyptique. Il paraît même que son règne funeste aurait débuté il y a quelques mois seulement. Tremblez, nous sommes le 6 juin 2006. Pour beaucoup, c'est la date du démon. L'apocalypse serait proche, un signe qui fascine toute une communauté. Des adolescents, pour la plupart, que l'on dit gothiques, voire satanistes. 6 juin 2006, 666, le nombre biblique du diable. D'épouvantables désastres nous guettent. Ça fout la trouille, hein. Mais alors, que s'est-il réellement passé depuis, me diras-tu ? Eh bien, a priori, pas grand-chose en effet. Mais si tu observes de plus près, certains événements peuvent tout de même te paraître très étranges. Quelques jours seulement après ce 6 juin 2006, le 9 juillet, vers 20h30, dans les vestiaires du stade olympique de Berlin, Zinedine Zidane aurait fait une drôle de rencontre. Je suis le noir, le sombre, collé à toi ton ombre. Je suis l'aboutissement de ta vie, la fin, le trou de ta tombe. Je suis ton pire ennemi, le cauchemar de ta vie, le temps qui passe et qui sourit devant ton agonie. En fait, le but de ma quête est de créer des tempêtes dans les profondeurs de ton être. Je suis ton maître, le seul prophète. Viens lire dans mes tablettes, tu seras mon adepte. Alors accepte devant moi, baisse ta tête. Je suis un dieu qui dort dans les catacombes. Mon rêve sera furieux, tu verras comme je suis immonde. Maintenant, ne perds plus ton temps, va mon enfant, du pouvoir des ombres, rejoins les rangs. Résultat, à la 107e minute de ce match, gros coup de boule sur Materazzi, expulsion, défaite, comme si Satan était venu reprendre ses droits, la France s'enfonce alors dans une mélancolie diabolique. Quelques semaines plus tard, au mois de septembre dernier donc, c'est alors au tour de Paris Hilton, riche héritière et cervelée, de croiser à Paris un homme étrange. Elle était en France pour la promotion de son premier album, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Ton âme. Si je comprends bien, vous seriez le diable. Tout de suite les grands mots, oui. Non, je ne suis qu'un démon du cinquième cercle, en mission de surface. Mais attention, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Hein. Tous ceux qui ont eu recours à mes services pourront témoigner s'ils étaient encore de ce monde. Et vous voulez que je signe un pacte, je suppose ? Ah oui, oui, tu fais bien de me le rappeler, oui. Voilà, c'est le contrat type. C'est juste une formalité qui garantit le bon déroulement de notre collaboration. Je croyais qu'on signait avec son sang. Elle est mignonne, Paris Hilton. Idiote, tout le monde sait qu'aujourd'hui, même le diable est high-tech. Enfin bref, résultat, dès la première semaine avec ce pacte diabolique, elle en a vendu 75 000 exemplaires de sa musique à la con, là. Merci, Satan, hein ? Mais il y a pire encore. Durant l'automne, dans l'ouest parisien, dans les banlieues paisibles et verdoyantes, les gens ont pris peur. On pense toujours que vendre son âme au diable, ce n'est qu'une formule commode, tout juste bonne à agrémenter la conversation. Eh bien, pas du tout, croyez-moi. Je vous en parle en connaissance de cause. et je vous fais juge. J'habite un quartier tranquille et charmant dans Neuilly, à deux pas du bois. Nous vivons là, entre gens du même monde. Du moins, c'est ce que j'ai cru jusqu'à ce que... Bonsoir, merci de m'avoir invité. J'ai pris la tête des émeutes dans les quartiers les plus difficiles. Le démon de Neuilly. Je peux devenir violent, pas simplement quand je me rase. Bonjour l'angoisse. Le suppôt de Neuilly fait trembler désormais le militant chiracien. Faudra-t-il, oui ou non, pactiser avec ce petit diable qui n'a rien de gaulliste ? L'alternative chiracienne pour empêcher ce diablotin de triompher consisterait bien sûr à voter Ségolène Royal. Mais là aussi, le militant gaulliste, quand il s'imagine voter pour Ségolène, il se pose énormément de questions. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel ? Criminel, faut pas pousser non plus. Mais bon, pauvre militant chiracien, depuis que le diable de Neuilly rôde, il ne sait plus à quel saint se vouer. C'est triste, d'autant que même ses partisans les plus célèbres, qui vivent en Suisse désormais, ont visiblement rejoint le camp des ténèbres. Johnny a vendu son âme pour la célébrité. Pour la célébrité ! Ça ramassait du Le galerie. Seigneur Satan est remonté de là-bas. C'était magnifique ! Un jour, je l'ai vu conjurer Lucifer dans mon living room. Il avait été beaucoup plus loin que moi. Il avait fait un pacte avec Satan. Il lui avait vendu son âme. Ah, que. Alors voilà, depuis le printemps dernier donc, la France semble être possédée par le malin. Que faire ? Eh bien, il faudrait sans doute faire appel à Benoît Poulvorde, prêtre exorciste à ses heures perdues, qui connaît très bien les ficelles du métier. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Dans la ville endormie, un quidam appelle à l'aide. Laissé seul avec sa souffrance, il pleure. Mais ses plaintes ricochent sur le mur de l'indifférence urbaine. Dieu merci, il est des hommes qui, n'écoutant que leur cœur, se hâtent de secourir les âmes en peine, malgré l'heure tardive. Pourquoi ces spécialistes acceptent-ils de prendre ainsi sur leur temps de sommeil, et à quel prix ? Normalement, c'est 800 francs, Nicolas, mais en service de garde, je prends facilement 2 briques. Mais ne vous inquiétez pas. Mes clients ont les moyens. Je travaille essentiellement avec les gens du showbiz. Vous seriez surpris du nombre de vedettes qui sont possédées par le démon. Ces gens sont constamment exhibés sur la place publique. Alors, ils sont fragilisés. Hein ? Et Monsieur Belzébuth en profite pour faire son petit commerce et définir les parts du marché. Bonsoir, vieille femme. Je suis le père Manhattan. Et on les applaudira encore. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous voyez, c'est terrible. Je reviens chez Charles Aznavour et les symptômes sont toujours les mêmes. Troubles de la personnalité, démagogie galopante, surévaluation de l'ego qui se manifeste plus souvent par une furieuse envie d'écrire un livre, une bibliographie ou de sortir un album. Laissez-moi seul avec Monsieur Martin. Cela risque d'être au-dessus de vos forces. Mon Dieu, ce sont les orgues de l'enfer qu'on a. Non, merveilleuse païenne. Ça, c'est mon bide. Voyez-vous, j'ai un peu la dalle, alors je fais des bulles. Vous seriez gentil d'ailleurs de me faire préparer un bon kilo de nouilles. Tu sais où tu peux te les carrer, tes nouilles. Terrible nuit, n'est-ce pas ? Allez, en vous remerciant, bonsoir. À got to tell you this thing I never thought I could be. I can't believe it, it's happening to me. I was always the first one to fight back, and now I'm right behind turning my back. Turning my back to so many things. The bell rings again, ting-a-ling-a-ling. Round two with such a different view. Lingers in my soul with an impression de déjà vu. Of course I've felt this before. It's not the first time you knock on my door. The only difference is I've got kids to feed, and I just don't want to fuck up their need. Good on paper, but will I lie to myself about what's going on? Do I wait for later or do I reply? What's it gonna take me? To get up. What's it gonna take? To get up. What's it gonna take me? To get up. What's it gonna take? To get up. So you ask me, what's going on? Don't know where to start and sleeping for so long. War, pollution, hate, war, destruction, pollution, lies, truth, hate, promises, destruction, illusion, fear, attack, promises, death, religion, cheap wealth, fear, poverty, attack, brain, masturbation. I can keep on going till I'm out of inspiration. And all this for what? Power and possession. I don't know if I can do more than writing songs respecting folks next door. And after all, what's it really worth? I wouldn't give a fuck if I weren't born on Earth. Who would take a look from space at ourselves, at our precious human race? And you'd realize that we're not worth more than a stone on the seashore. What's it gonna take? What's it gonna take me? To get up. What's it gonna take? To get up. What's it gonna take me? To get up. Hear this. What's it gonna take? C'est ce que chante le franco-britannique Flox sur son album intitulé Take My Time. Take My Time, prendre mon temps, c'est ce que tu as tout intérêt à te dire si tu vas passer ton éternité en enfer ou au paradis d'ailleurs. Alors maintenant, pour pousser un peu plus loin notre descente aux enfers, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin à 11h33 de te révéler comment s'est réellement passée la mort du général dictateur Augusto Pinochet à Santiago du Chili. Nous sommes le 10 décembre dernier. Pinochet est au plus mal quand le clergé catholique chilien décide de lui administrer l'extrême onction. Mais problème, le sacrement ne se déroule pas du tout comme prévu. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça! Ça brûle! Ça brûle! Face à la réaction de Pinochet, recevant l'eau bénite, le prêtre chilien quitte précipitamment la chambre du vieux dictateur malade. C'est alors que le général en profite pour invoquer Satan en personne. L'heure est venue, et je t'ordonne de te montrer. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur des formes ridicules que tu aimes apprendre. Je n'ai pas peur de tes grandes cornes, de tes poils rudes, de tes pieds fourchus, de tes griffes de singe, de tes ailes de chauve-souris. Crois-tu donc que tu m'effraies? Je suis ton égal et je puis devenir ton maître. N'ai-je pas fait de mon mieux pour te plaire? Allons. Et en effet, un démon apparaît immédiatement. Il s'agit d'Azrael, non pas le chat de Gargamel, mais l'ange de la mort. Pinochet est un peu déçu que ce ne soit pas Satan lui-même qui soit venu le chercher en personne. Mais bon, il est tout de même content, Pinochet. Il va retourner chez lui, enfin. Dans les profondeurs de l'enfer, je sais qu'il y aura mes copains. Dans les profondeurs de l'enfer, toutes les femmes seront jolies. Frangin, ne fais pas de manière, il y a de la place pour toi aussi. Dans les profondeurs de l'enfer, je n'aurai pas plus peur qu'ici. Les principes et les courants d'air sont les fleurs du paradis. Et voilà que Pinochet meurt sous le regard ravi du démon Azrael, venu le chercher pour le conduire à Satan. Pinochet a été incinéré pour éviter que l'on puisse profaner sa tombe, lui dont les sépultures des victimes n'ont pour la plupart toujours pas été retrouvées. Pinochet est donc conduit en enfer. Il se fait une joie d'y aller. Seulement voilà, il n'imaginait pas du tout l'enfer comme ça. cinquième étage. Braqueur de métro, clodos agressifs et critique littéraire. Sixième étage, extrémiste de droite, serial killer, avocat médiatique. Septième étage, les médias. Désolé, cet étage est complet. Huitième étage, criminel de guerre évadé, télé-évangéliste et flingophile. Niveau inférieur, tout le monde descend. Pinochet arrive donc au niveau inférieur et descend de l'ascenseur infernal. Il fait sombre et chaud, comme au fond d'une grotte où coulerait de la lave en fusion. Là, il reconnaît des visages venus du passé, d'anciens dictateurs comme lui. Tous le saluent, respectueux de l'œuvre accomplie par le général chilien. Bienvenue en enfer, n'arrête pas mon frère, y'a des choses à faire. Raquette, insomnie, balade, chef d'une autre vie. Mais pétain, je me jure de me casser d'ici. Bienvenue en enfer, n'arrête pas mon frère, y'a des choses à faire. Raquette, insomnie, balade, surveille mes arrières. Et la nuit, je m'évade en faisant ma prière. Pinochet serre quelques mains, mais il accélère le pas. Il est pressé, car il va bientôt voir son maître, Satan, en personne. Pinochet poursuit donc sa route, rempli de bonnes intentions sur les chemins pavés de l'enfer, quand soudain, Pinochet aperçoit... un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Pinochet comprend que de l'autre côté de la porte se trouve son maître Satan, qu'il va enfin rencontrer après l'avoir si longtemps servi sur Terre. Des volutes de soufre s'élèvent dans une atmosphère sombre et suffocante. Pinochet se jette à genoux et s'écrie « Ô toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. » Mais Satan n'a aucune pitié de la misère de Pinochet. Pour punir le dictateur d'avoir pactisé avec l'épiscopat catholique chilien pendant la dictature, Satan condamne alors Pinochet au pire des supplices. Il ira au paradis passer le reste de l'éternité dans l'ennui des prières, de la harpe et des anges sans sexe. Pinochet, révolté par cette injustice, lui qui a consacré sa vie entière à Satan dans l'espoir de vivre une éternité de luxure en enfer. Voilà que les tortures, les massacres, les exécutions sommaires n'auraient donc servi à rien. Pinochet exige alors un téléphone et appelle son complice de toujours, le vivant Henry Kissinger, l'éminence grise du coup d'État chilien en 1973. À l'époque, Pinochet avait signé un pacte secret avec les États-Unis pour renverser le régime démocratique du président Allende. Et Kissinger, il avait alors été très clair avec Pinochet. Tu seras le maître absolu. Tu récompenseras ceux qui s'inclineront devant toutes tes volontés. Aux autres, ta bonté donnera le temps de reconnaître leurs erreurs. Et s'ils sont incorrigibles, vois-tu, les vieilles méthodes sont encore les meilleures. Et c'est pour leur bonheur que tu devras être sévère. Pinochet a donc été très sévère durant toute son existence envers toute forme de démocratie, explique maintenant à Kissinger qu'il veut rester en enfer car pour lui c'est le paradis. Mais Kissinger lui répond que... Je te demande pardon, je ne t'avais jamais promis le paradis. Je te demande pardon, avec le soleil il y a aussi la pluie. Quand tu prends tu dois donner. Je te demande pardon. Je ne t'avais jamais promis le paradis. Le vieux Pinochet est fou furieux. Il vient de se faire virer comme un bien propre de l'enfer alors qu'il a voué toute sa vie à Satan. C'est trop injuste. Il va devoir aller crêcher au paradis et se taper des concerts de harpes interminables, des cuites à l'eau de Vichy et vivre dans une abstinence perpétuelle. Merci bien. Cela dit, ce qui le fait bien marrer, c'est qu'il sait aujourd'hui qu'il y retrouvera un jour son vieux pote Kissinger. Je te donne pour ça. Voilà, l'enfer, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Pour certains, c'est l'absence de vice, pour d'autres, ben, c'est les autres, et pour certaines jeunes filles, c'est se griffer les chevilles et réveiller les piqûres d'araignée. Comme à certaines heures, les jeunes filles soudain vont griffer leurs chevilles. Comme elles réveillent un soir d'été, les anciennes piqûres d'araignée. Comme elles poursuivent la discussion par-dessus la démangeaison. Comme elles peuvent sans nous regarder, nous qui leur parlons, nous parler. Et 3000 cheveux de travers, ça fait deux épaules plus tout à fait blanches, se penchent. Et c'est l'été. Sur le trottoir, ce soir, elle dit regarde là et là. Elles s'endormiront tout à l'heure sur un lit qui n'est pas le leur, sur un matelas appartenant, en temps normal, à d'autres gens. Et 3000 cheveux de travers, ça fait deux épaules plus tout à fait blanches, se penchent. Et c'est l'été. Sur le trottoir, ce soir, elle dit tu vois, je ne mens pas. 3000 cheveux de travers, deux épaules plus tout à fait blanches. Et c'est l'été sur le trottoir. Les piqûres d'araignée, c'est ce que craint Vincent Delerme, un chanteur qui nous vient d'Évreux, du diable Vauvert, quoi. Alors maintenant, pour prolonger nos aventures endiablées, il est grand temps désormais à 11h44 de retrouver nos deux héros infernaux, les pseudo-diaboliques Jean-Claude et Monique, qui ont affronté, soi-disant cette semaine, les œuvres du malin. Tout a commencé mercredi dernier. Préparant tranquillement le dîner, Monique écoute avec un certain plaisir un vieux CD de Demis Roussos chantant Noël. Quand, soudain, vers 19h, Monique est choquée en découvrant sa fille Elsa avec un nouveau piercing, le teint blafard et vêtue tout en noir. Monique s'inquiète alors auprès d'Elsa qui lui annonce en plus que... Samedi soir, on fait une soirée satanique avec une offrande de berger allemand et bière à volonté. Le signe de ralliement, ce sera un poulet mort accroché à ma fenêtre. C'est Belzébuth. Comment ça, Belzébuth ? Se dit Monique. Et puis, c'est quoi encore cette soirée samedi soir-là ? Samedi, c'est surtout la veille du réveillon de Noël, point barre. Elsa lui répond que désormais, elle se définit comme gothique, adoratrice de Satan, comme Marilyn Manson. Ok, fuck ! Quand Jean-Claude rentre à la maison, Monique lui demande immédiatement de monter voir Elsa dans sa chambre, car elle devient complètement hystérique. Jean-Claude soupire et décide de faire plaisir à Monique. Cela dit, arrivé devant la porte de la chambre d'Elsa, Jean-Claude entend comme une incantation. Pour le prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Jean-Claude entre alors dans la chambre d'Elsa et décide d'en savoir plus sur cette prière nihiliste à l'intention de Satan lui-même. Elsa explique à son père que le paradis c'est tout pourri et qu'elle préfère cramer en enfer. Ok, fuck. D'ailleurs, elle va vendre son âme au diable. Jean-Claude garde son calme et choisit plutôt l'option de la pédagogie. Quand tu te retournes un ongle, ça te fait très mal? Oui. Imagine que tu te retournes tous les ongles en même temps, tout le temps. Ceux des pieds avec. Eh bien ça, c'est de la gnognotte à côté de l'enfer. En écoutant son père, Elsa explose de rire. Qu'est-ce qu'il en sait de l'enfer, lui? Rien du tout, bien sûr. Elsa dit à Jean-Claude que pour rien au monde, elle voudrait sa vie de merde. Ok, fuck. En retrouvant Monique dans la cuisine, Jean-Claude ne peut s'empêcher de lui faire part de son inquiétude. Monique est affolée. Il faut réagir très vite. Elle craint qu'Elsa ne soit réellement possédée. En plus, il est hors de question qu'une messe noire s'organise sous son toit. Surtout pas la veille de Noël. D'où Jésus. Elle dit à Jean-Claude que demain, elle fera venir son vieil oncle, un prêtre à la retraite qui a déjà pratiqué quelques exorcismes. Le lendemain soir, arrive en effet chez Jean-Claude et Monique le père Ducrot, flanqué d'une jeune assistante prénommée Lucie. Sublime créature qui, selon l'oncle de Monique, s'apprête bientôt à devenir nonne. Pour l'instant, le père Ducrot refuse de voir Elsa. Il préfère poser quelques questions à sa nièce. Jean-Claude, lui, est envoûté par cette jeune femme diabolique qui accompagne l'oncle de Monique. Très vite, il semble être possédé par cette Lucie. Jean-Claude sent son désir s'enflammer et se dit « Mais que diable, quel gâchis qu'une si belle créature devienne nonne !» Pendant que Monique et le père Ducrot discutent au salon, Jean-Claude, seul avec Lucie dans la cuisine, s'approche alors discrètement de la créature et lui susurre. « Toi qui as l'air d'un petit ange, d'une petite bête, ah bon Dieu, qui a les yeux de l'innocence, du moins à mes yeux. » C'est qu'au fond de toi sommeille un vrai petit démon. C'est vrai que la beauté du diable porte bien son nom. La créature sourit à Jean-Claude et lui caresse le torse délicatement. Ce n'est pas possible, se dit Jean-Claude. Dois-je laisser Lucifer ? Satan l'habite. C'est alors que Lucie, qui se retrouve donc seule avec Jean-Claude dans la cuisine, tente le diable. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Au même moment, Monique et le père Ducrot se décarcassent à l'étage dans la chambre d'Elsa. L'oncle de Monique s'approche de cette môme devenue gothique pour en savoir un peu plus. Y a-t-il quelqu'un en toi? Oui, par moment. Qui est-ce? J'en sais rien. Si je lui demande de me le dire, tu le laisseras me répondre? Non. Pourquoi? J'ai trop peur. S'il me parle, je pense qu'il te quittera. Tu veux qu'il te quitte? Oui. Démasque-toi et réponds-moi maintenant. Mais quel abruti ce clébard du Jean-Claude, se dit Monique. Il m'a foutu la trouille, ce con. Elle ne l'avait pas vu et il grogne puisqu'il n'aime pas les étrangers. C'est alors qu'Elsa comprend soudain que l'oncle de Monique est un ecclésiastique. Horreur ! Sa réaction à son égard est immédiate. Moi je suis ange et démon, j'éveille en toi des soupçons. Sais-tu qui est vraiment la femme qui sommeille en moi ? Attends juste un peu, tant que je me dévoile. Ferme les yeux et tu m'aimeras. Moi je suis ange et démon, j'éveille en toi des soupçons. Sais-tu qui est vraiment la femme qui sommeille en moi ? Le père du croc est effrayé et dit à Monique que le diable a sans doute pris possession des lieux. Il décide de quitter au plus vite cette maison hantée et récupère Lucie au passage avant qu'elle ne commette l'irréparable avec Jean-Claude. Monique, elle, est à bout de nerfs. Démon, démon, veux-tu bien me lâcher ? Démon, démon, retourne à tes flammes. Démon, démon, veux-tu bien me lâcher ? Démon, démon, t'auras pas mon âme. Démon, démon, démon. En y réfléchissant, après le départ de son oncle, Monique s'en veut d'avoir fait appel à un ecclésiastique. Elle, qui ne croit ni en Dieu ni au diable, quelle mouche l'a piqué pour qu'elle en arrive là. Sa fille est en pleine crise d'ado, ça lui passera. Jean-Claude, lui, de son côté, avant de se coucher, en repensant à Lucie, tente de libérer sa conscience. Dis Jésus, bonsoir, c'est moi. Je viens prier comme autrefois. C'est entre nous, n'en parle pas. Les gens se moqueraient de moi. Seulement voilà, même en reprenant contact avec Jésus ce soir pour faire acte de contrition, Jean-Claude demeure obsédé par cette Lucie. Aurait-il réellement croisé une authentique créature du diable ? Mystère et boule de gomme, fin de l'histoire. Toujours est-il qu'à minuit pile, Jean-Claude, comme possédé, s'est relevé pour fumer une dernière cigarette dans cette rue déserte où rien ne bouge. Je cherche un peu de chaleur à mettre Les démons de minuit sont invoqués par le groupe Image en 1986. Parce que, franchement, t'invoquerais les anges de midi, toi ? Et c'est ça le problème avec le diable. Il nous tente, et comme disait Oscar Wilde, le seul moyen d'échapper à la tentation, c'est d'y céder, dis donc. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre rencontre avec le diable, probablement. De Belzébuth en Ruth à Elsa en gothique, de l'Empire du Mal au Prince des Ténèbres et de Pinochet aux Enfers au Démon de Neuilly, nous t'avons dressé un panorama subjectif et satanique, bien sûr, de ce que peut être cette bête aux pieds fourchus qu'est le diable. Alors, pour terminer, il ne faut pas oublier aujourd'hui ceux qui ne profiteront pas ce soir de la délicieuse magie de Noël. Ainsi, personne ne va penser à faire un cadeau au diable. Et pourtant, le diable, il ne demande pas démons et merveilles. Bon, c'est vrai, ce n'est pas vraiment un ange. Mais bon, il est souvent déchu par ses cadeaux. Alors, enfer et contre tous, ce soir, pour le réveillon de Noël, le programme est très simple pour Satan. C'est un suppôt et au lit. Parce que cette nuit, la véritable star, c'est... Que pensais-tu? Bouddha ou bien Mahomet, qui préférais-tu? Ont-ils fait ce qu'ils ont fait, ou bien ce n'était que de la publicité comme ces bruits de clocher? Et ta mort désespérante, l'avais-tu choisie? Voulais-tu frapper les hommes pour qu'ils sortent enfin de leur nuit? Des mille ans après, rien n'a changé. Je ne doute pas, mais ne comprends pas, ne nous oublie pas, ne nous oublie pas. C'était Claude François, le démon de midi moins deux. Voilà, fin du 58e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est qui le diable, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour un best-of Total Footrack et Archie Loufoque de la Panique en 2006. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Elisabeth Collet et de Benoît Massir, merci aussi beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, le podcast quoi. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve donc dimanche prochain pour un best-of. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Le diable lui-même intervient dans cette émission où rien n'a été inventé.